your attention, please. We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. Let me see you put your hands up in the air. Come on. It's got to be funky. Le samedi après-midi, c'est samedi, c'est funky. Le samedi après-midi, c'est samedi, c'est funky. Samedi, c'est funky. Samedi, c'est funky. In the mix. Your love has a force, got me under your spell. il fallait ça pour démarrer la toute première de ces samedis. C'est Funky, une version tout à fait spéciale que je voulais vous partager de Evelyn Champagne King à l'heure de l'apéro. Tout de même, c'est plutôt sympa. Love Calm Down, l'émission à consommer sans aucune modération. C'est samedi, c'est Funky. Bien le bonjour. Coucou, me revoilà. Xavier Warner. Eh oui, c'est moi. C'est samedi. You're a headstrong young man. If you think my head's strong. C'est funky. Oh, check this out. Les meilleurs souvenirs funk et disco funk. Avec Xavier. Plaisir de vous retrouver sur la radio 100% funk et R&B, chez nommé Mix Machine Rave Radio. C'est samedi, c'est funky, c'est votre nouveau rendez-vous dorénavant entre midi et 13h avec rien que de la bonne musique funky. Et on vous a préparé un somptueux programme, une petite pépite qu'on aime vous proposer avec des versions un peu spéciales à la sauce. C'est samedi, c'est funky et tout à l'heure on aura la séquence Megamix avec un bon GMC qu'on aime vous proposer dorénavant chaque samedi dans le son de C'est samedi, c'est funky. Allez, vous êtes prêts? On y va car on a de bonnes choses à vous faire écouter comme celui-ci. Voici Gary Bird, The Clue avec le bootleg, s'il vous plaît, de Curtis Blue, du Break. C'est maintenant, c'est tout de suite. Thunder of guns roars across Hyde Park, and far off, eastward by the river, the guns of the Tower of London answer. So have people in the city and the town of London, hear and know, and salute this moment of crowning. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Hands, everybody, clap your hands, everybody, body, clap your hands, everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that he's on the break. C'est samedi, c'est funky. Where life is the journey and love is the trip, and the study of band will make you hear. I'm professor of the rap, and when I speak, I guarantee that my lines will not be weak. They say a mind is a terrible thing to waste. That's why I'm here and on the case, wrapping up every mind with a special degree in sociopsychology, PE. The Gary Bird experience is my course. When you take my class, you will feel the force, cause I know the roots that the rap is from. When I speak to you, I am not dumb. Hear my rap and begin to dance, and I promise you this, you from the lost art, but you still left the theater in the dark. So clap your hands to the beat is the wonder sound, and the GBE shine on the crowd. Clap your hands, everybody. Clap your hands. voted most likely to say. Si samedi, c'est funky. Les meilleurs souvenirs funk et disco funk. See you moving, baby, yeah. And you're looking good. And you're looking fine. Everything's gonna be alright. Yeah, yeah, let the music yeah. take control of your body tonight. Oh, everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Let the music take control of your body tonight. Father, break it down. Well, I begin the weekend with a groove. Roll about 8 deep. Now what's my next move? Wait until nightfall so I can enjoy. System pump by 4 cheeks. Running like a convoy. Roll to the front. Kinda crowded, what a scene. Pulling up with Jodeci. Blasting out the 15. Oh, don't yeah. call my ride, girl. See my gearing. Notice my grill. Here comes a pointing and staring. Everything. Yeah. Flicks on the dawn, parry on and laid back with my chicks. Bikers on the left of me, smooth as flipping. Tricky and my wedding on the dance floor ripping. Sickness with a cutie, the key, I'm trying to find him. Tim is in the front and Mobetta's right behind him. And me, I'm just laying on the prowl. God say what's up as the girls cry out. She grabbed her man, I think she tried to play him. My only thought was to step to the AM. Cause I came to have a good time. And at the end of the night, no doubt I'm gonna get mine. Cause I don't have to raise my voice to be seen. I maintain, if you know what I mean. Understand I'm not conceited. Father's just mellow, I'm a smooth duck. Romeo freak kind of everything is gonna be alright. I see you on the dance floor, baby. Help your body tonight. Everybody, come on. Yeah, yeah, yeah. Do that dance, baby. Do that dance, let's work it out. The cypher night is rare. I glance to the right. Oh, who do we have here? Oh, yeah. Puffin' Steve getting ripped. What the hell? I see Mr. Uptown and South Andre around. Conversating with his boys as they start the bar straight through the crowd. It's time to get charged. It's kinda mellow, so I leap till the center where the soul's rolling 5 deep. Mark Curry, Hassan, Ken, and LQ doing the wild thing. Cause the soul is true. And every time I see bodies getting biz, girls are getting wild. Cause father's going for his. And every time I hear the music thump, baby thump, and all the girls getting bumped right in your rump. So everybody who feel the mood is right, get on the dance floor. Come on, samedi, c'est funky. Alright. samedi, c'est funky. Excellent week-end. C'est samedi, c'est funky sur la radio 100% funk et R&B. C'est bien entendu sur le son, superbe son de Father MC qu'on vient juste de s'écouter avec It's Gonna Be Alright. Allez, un classique comme on aime dans C'est Samedi, c'est funky. Voici Network Cover Girl. Et ça, je le dédie spécialement pour DJ Eric B qui est à l'écoute forcément. Bon week-end, c'est samedi, c'est funky jusqu'à 13h. Stop. C'est samedi, c'est funky. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'on est bien sur Mix Machine Web Radio, la radio 100% funk et R&B. À l'instant, le grand classique de 1983, Ken Jones avec I Am Somebody. Restez avec nous dans un instant, c'est samedi, c'est funky, in the mix avec notamment George Benson et Central Line. Ça va mixer en live. En vous rappelant que c'est samedi, c'est funky, c'est également sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe de C'est Samedi, C'est Funky. Vous tapez C'est Samedi, C'est Funky sur la barre de recherche et vous retrouverez toute la playlist de l'émission. Et en plus, c'est en live. Voilà, le titre qui va suivre, c'est Holy Hop avec Lucky. C'est spécialement pour Jill, également pour Nathalie, les enfants, également pour Armand Funk et mon ami Alain Powers, le grand classique de Allez Hop dans CSMD, c'est Funky, excellent week-end mes amours. Lucky, le samedi après-midi. C'est samedi, Funky. Samedi, c'est funky. C'est funky. C'est samedi, c'est funky. In the mix avec George Benson, Give Me the Night et Central Line Rockin' into Sunshine. On termine l'émission avec la séquence Megamix, une tradition. On terminera toujours l'émission avec un bon Megamix. Cette fois-ci, un Master Mix numéro 368. Ça, c'est pour les connaisseurs. De partie 7, le partie 2. Vous allez reconnaître notamment Casey and the John Band. Il y aura également Always Corporation, Tavares. C'est tout de suite là, maintenant, la séquence Megamix. C'est funky. On va commencer. Xavier Warner. Don't tip the boat over, rock the boat. fréquence Megamix de C samedi, c'est funky, un Megamix très disco funk, hein. Casey and Sunshine Band avec That's the Way I Like It, et également Horse Corporation avec What's About, et à l'instant le superbe Tavares, Even Must Be Missing Angel. Voilà, c'est samedi, c'est funky, la toute première émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur Mix Machine Web Radio. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition entre midi et 13h. La radio 100% funk et R&B, ça continue avec du très très bon son funky. Merci de m'avoir écouté et je vous rappelle que c'est samedi, c'est funky, ça continue sur le Facebook. N'hésitez pas à taper c'est samedi, c'est funky sur la barre de recherche et venez rejoindre la grande famille de c'est samedi, c'est funky. Je vous souhaite un excellent week-end. C'était Xavier Warner au micro, à très bientôt.